succès. Il est 9h. Only your music on RQC. This is Johnny Edwards from Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. Eh bien, bien le bonjour à vous tous. On a démarré notre nouvelle émission de Living in the Past avec un instrumental célèbre, Apache. Et on poursuit dans la même veine avec un autre groupe instrumental européen, The Sputniks, Johnny Guitar. Thank you. en ce lundi 6 février. Pour débuter ce lundi 6 février, Jean-Marie en votre compagnie pour un nouveau numéro de Living in the Past. C'est le 17e numéro de notre émission. Nous marchons sans crainte vers le printemps. Les jours rallongent et les personnages sont prêts à éclore. Malgré l'amorosité ambiante, le temps maussade que nous avons connu ce week-end, nous allons, durant ces 3 heures, vous faire passer un excellent moment musical. Nous allons parcourir le temps. Nous allons égrener les époques, les années, avec des succès musicaux incomparables qui nous ont fait rêver. Et puisqu'on était dans la veine instrumentale, on poursuit avec un autre groupe californien, cette fois The Ventures avec Hawaii Five-O, un instrumental surtout connu pour avoir été le générique d'une série américaine célèbre, Hawaii Police d'État. The Venture, Hawaii 5-0. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura rappelé d'excellents souvenirs. En parlant de souvenirs, le 6 février 1990, plus de 200 femmes décident de mener une action en justice contre Chuck Berry, pionnier du rock et aussi restaurateur à l'époque. C'est avec ce dernier titre qu'il posait problème. Ces femmes lui reprochaient d'avoir mis une caméra dans les toilettes du restaurant pour filmer sous les jupes. Un peu douteux, cela. Out of all the reindeers, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Randolph ain't too far behind. Hurry, tell him he can take the freeway down. I'm reeling like a merry-go-round. C'était donc notre ami Chuck Berry avec Run, Rudolph, Run en 1958. On reste dans les procès, mais cette fois-ci en 2001, avec l'action que Don Felder a intentée à l'encontre de ses autres compagnons, de ses anciens compagnons des Eagles. Il avait en effet été viré et ne le digérait pas. Et du coup, il a demandé réparation sous la forme d'un chèque symbolique de $50,000. Don Felder and Girls in Black en 2012 sur l'album solo Road to Forever. Neuf heures treize sur l'antenne d'RQC. C'était donc Don Felder, Girls in Black. Et comme c'est la coutume dans l'émission Living in the Past, on traverse les époques, on passe d'un genre musical à un autre, et on se retrouve maintenant le 6 février 1958 avec notre ami George Harrison qui rejoint un petit groupe de Liverpool qui se fait appeler The Quarrymen. Je vous en ai déjà causé la fois dernière. et le nom du groupe avait été inspiré par la Quarry Bank Grammar School, école dans laquelle se trouvaient et ont étudié la plupart des futurs membres des Beatles, John Lennon, Paul McCartney, Len Gary, Eric Griffiths et John Lowe, composaient ce groupe, The Quarrymen. Embryon du futur groupe des Beatles qui a connu le succès que l'on sait. Et on retrouve maintenant notre ami George Harrison, Got My Mind Set On You, sur l'album de 1987, Cloud 9. Living in the back. Et voici The DJ's Band Centerfold. My home, angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain the memory of my. Living in the past. Mad in rap. Et on poursuit toujours en rythme avec notre ami Billy Idol, Dancing with Myself. Down in London town's a go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, when there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Oh, le 6 février pardon, 1990, Billy Idol était percuté par une voiture à un stop. On ne sait pas qui a grillé ce stop, mais étant donné qu'il était en Harley, c'est surtout lui qui a trinqué et il en a été sérieusement blessé. Nous écoutions Billy Idol, Dancing With Myself, en 1982 sur l'album Billy Idol. Et précédemment, nous avons entamé cette série avec George Harrison, Got My Mind Set On You. Et ensuite, suivi de DJ Els Band. En 1982, cette formation qui a résolument opté pour un son rock FM se classait avec Centerfold en haut des classements des singles aux États-Unis et ils resteront en tête 6 semaines, tandis que l'album sur lequel figure ce titre sera lui aussi numéro 1 le même jour. Cet album s'intitule Freeze Frame. Et puisque nous sommes dans les anniversaires, souhaitons un bon anniversaire à Axl Rose de Guns N' Roses, qui est né en 1962. Nous retrouvons une formation américaine baptisée SR71, qui a justement composé un titre qu'il a tout simplement baptisé Axl Rose. Whoa, where did you go? Angel lives alone in East Baltimore. It makes you notice staple to her front door. Bleach blonde hair, fishnet pantyhose. God, she wishes it was 15 years ago. Buying her a drink meant anything you wanted that night. Was alright. Through cocaine tears in 15 years, you know she sleeps alone tonight and screams. Whoa! Where did you go? Alone, mother's basement, 37, got nothing yet to show for it. Heavy metal man with his long hair, the top's gone, but he's still rocking the ponytail. All he's got now is post-grunge apathy. Post-grunge apathy. He says the vines and the white stripes just don't get it from me. And my friends take me. Yeah. Et on va aller faire maintenant un petit tour du côté de la Jamaïque avec notre ami Bob Marley. Bob Marley est né en 1945 et il aurait fêté son anniversaire aujourd'hui. Le roi du reggae, fan absolu de foot et ami de Eric Clapton, est malheureusement décédé le 11 mai 1981. Et depuis 1990, le 6 février, tous les 6 février, c'est maintenant en Jamaïque un jour de commémoration et de congé. On retrouvera le roi du reggae avec Buffalo Soldier, sorti de l'album Confrontation de 1983. Et enfin, nous poursuivrons avec Gary Moore, qui est décédé aussi un 6 février en 2011 à Estepona, en Espagne. Ce guitariste et chanteur nord-irlandais, né le 4 avril 1952 à Belfast, utilisait souvent des sons saturés s'apparentant au hard rock. Mais ses inspirations rythmiques et mélodiques sont restées directement issues du blues. Voici notre ami Bob Marley, Buffalo Soldier. C'est le moment de partir en guerre. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. The Past. Le rock en balade. Place maintenant un peu de douceur après Gary Moore qui nous invitait au voyage avec Over the Hill and Far Away. Voici Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. Le blues est roi. Il est exactement 10h moins le quart. don't think that's right. I've really been the best of fools. What I could, yeah. Of course I love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. My beloved girl, little girl. But baby, since I've been loving you, yeah. Do you remember, Mama, when I knocked upon your door? I Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Veuillez excuser ce petit problème technique, on poursuit notre séquence balade avec Cinderella, Don't Know What You Got. What went wrong? Heartaches come and go, and all that's left are Et bien voilà, Cinderella clôturait cette séquence balade. On passe maintenant d'une séquence à une autre. Avec le rock d'expression française, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler et de vous présenter un groupe un peu de chez nous, puisqu'il est originaire d'Amiens. Il s'agit des Fatal Picard, un groupe encore bien actuel, héritier du punk fêtard des Wampas de Ludwig von 88. Le style des Fatal Picard se caractérise par un humour loufoque avec une orientation musicale rock de plus en plus marquée. Tout commence fin 1997 sur le site internet franzfuncom.com. C'est sous ce nom qu'Ivan Kallo, ingénieur informaticien originaire d'Amiens, propose quelques chansons. Puis en 2000, tout un album autoproduit. Amiens, c'est aussi le tien. En octobre de la même année, le pseudo-groupe devient un duo avec l'arrivée de Laurent Honnel. Les Fatal Picard donnent des concerts dans des bars parisiens et finissent en 2001 par réaliser un premier disque intitulé Nave Maria. Voici, vous comprendrez bien le jeu de mots, qui sera distribué au niveau national cette fois et sur lequel figure et Crash ta rage, une parodie d'Indochine et un pastiche rap raga à la française. Living in the past. Du rock made in France. Voilà l'humour loufoque des Fatal Picard. I can't tell you, baby, what went wrong. I can't make you feel Compte, c'est arrivé, y'a des rires. Alors je se battais, comme ça c'était bien. Je peins des pêchons. Allez donc à la chasse. J'ai les Cro-Magnons. Les Cro-Magnons. Les hommes préhistoriques qui vivaient avant. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Après ils ont trouvé des crayons de couleur. Mais pour faire la guerre du feu, trifalait des marqueurs. Il dessinait des bites. Et merde à celui qui lira. Mais comme il savait pas lire, alors il lisait pas. Il lisait pas. Après quand il voulait aller boire un coup au café, il ne pouvait pas, parce qu'il en avait pas. Alors il préférait se battre, mais pas contre la banlieue. Parce qu'après le périphérique, il n'y avait pas la banlieue. C'était que des fermes et des champs, c'était la campagne. Y'avait que du moisi. Les hommes très préhistoriques qui vivaient plutôt hein, ils aidaient les Indiens d'Amérique à repeindre les crottes de Lascaux. Leurs armes étaient très violentes. Ils se battaient contre les chauves-souris volantes et contre les dinosaures et les fourmis violentes. Il fallait beaucoup qu'ils s'occupent. Qu'il s'occupe volante, s'occupe volante. Après ils ont appris leurs super pouvoirs spéciaux. Et puis ils les ont appliqués contre les tyrannosaures. Et ils leur ont tout le monde tous bousillé leur gueule. Qu'après y'en avait plus. Alors ils étaient contents, mais ils s'embêtaient. Alors ils ont appris leurs super pouvoirs spéciaux aux Chinois pour qu'ils puissent faire des films de karaté. Sinon comment ça se fait que les Chinois ils savent faire des films de karaté si personne leur avait dit avant. Les hommes préhistoriques vivaient dans l'anarchie. Les hommes paléolithiques, c'est tous des pourris. leur super pouvoir à Jésus. Ils multipliaient les pains, mais ils n'en pouvaient plus. Ils disaient je suis mort, pourtant je suis pas une tapette. Ah bon bah alors Jésus, bah si t'es naze, arrête, si t'es naze, arrête. Les hommes des pays historiques qui vivaient avant. Et tu sais ce qu'on était, on pourrait faire du rap. Tu veux quoi? Du rap? Et tu veux pour faire de la mob? Bon, si mon presse, mais on envoie les dents sauve. Très Sony. Je suis réveillé, m'enlève les somnifères, la léthargie, tout ça rien faire. Me dis prends pas de la drogue, tu vas devenir drogué. Et puis si tu bois trop, bah tu vas être moulode. Du coup j'ai pris 15 grammes avec des cocoètes. Bah j'ai vomi, c'est fini, je prends plus de cocoètes. J'y repos. J'ai volé une radio pour qu'on dans une simple cabine. M'a su ouvert le bras en fracassant la vitre. C'est con le courage, moi j'ai voulu me pour RTL. De façon pour la valise, je mets ma mère qui s'appelle. Au bas le j'attends que les vieilles rasoirs électriques. Enfin je ne fais plus parce que le fil il est trop. Quoi? Ah dans ma chambre pour faire pipi, je me mets des épargnes et ça pas des passes à linge, ça fait moins de cicatrices. Et puis pour faire péchu, je me suis tatoué des blessures. C'est dans le dos mes initiales, ça fait plus cher. FD, ah bah ça fait un PD. Ça fait PD. J'ai dit à ma tata de me mettre des coudières sur les épaules de mon chandail marron, ça fait plus muscu. Dans la rue, c'est violent, j'écrase à toi, ça qui bouge. Les jeunes hommes, les casse, ils deviennent dans les pelouses. Encore assez dérangé, mais moi, je fous le boxon. Si je prends le bug de panache, je le veux rayon bière. Avec des copains, on rêve dans le haut-serre, c'est le. Oh, c'est beau le bois. Si je l'arrive. Parce que si c'est un piqué à l'île, tu sais, on est pauvres. Ouais, par exemple, t'as raté ton sapé de boulange. Ah bah ouais, bah maintenant, t'es en pétrin. Botter. Alors je croche mon rouge. Alors je croche mon rouge, tu piquer. Alors je croche mon rouge. Alors je croche mon rouge, tu piquer. Alors je croche ton rouge. Alors je croche ton rouge, tu piquer. Croche ton rouge. Alors je croche ton rouge, tu piquer. Croche. T'as un père, t'as un bix. Bix. T'as un as avec son père. T'appuies sur ce truc, t'es. Hop, ça monte! Haha! Ça monte! Elle monte! Comme le fait, tout en. Pareil! Voilà! Le duo Les Fatal Picard se produit à l'époque partout où il peut, se constituant progressivement un public dans les festivals ou dans les auditoriums, notamment de la FNAC. En fin 2002, arrive le batteur Bernard Sauvagnargues, qui devient aussi celui qui organise le calendrier des concerts et des tournées. Et leur fréquence ne cesse d'augmenter, plus de 400 entre 2003 et 2008. Après la sortie de Droit de veto en 2003, les Fatal Picard créent leur propre label. Et le titre « Goldorak est mort » se trouve à l'époque sur les playlists des radios qui diffusent de la musique alternative. « Goldorak est mort », les Fatal Picard, ce sont eux qui le disent. La calandre est super enfoncée, et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un cartable pédale. Comment je vais dire ça à papa? Au centre, ils voudront plus de moi. Le rétro gauche est tout pété et les planitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort. Impossible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort. C'est sûr, mon père, il va me tuer. Claude Delco est pété. Allez des couilles, je suis prince de fort. Je vais quand même pas me mettre à chialer. Je me revois bien sortir de la boîte. Après sur la petite route des boîtes, j'ai vu des boules et le lapin. J'ai lancé les fulgures au point. Pourtant c'était bien au Xénon. Vénusia était trop canon. Elle s'est cassée avec Bioman. Et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak est mort. Impossible de leur démarrer. Et ben ouais Goldorak est mort. C'est sur mon père il va me tuer. Comment je m'ai mangé le rebord. Et le rail de sécurité sentait que je préférais être mort. Au contrôle technique là c'est râpé. Madame pardon de vous déranger. Est-ce que je pourrais téléphoner. Ouais ouais je suis habillé marrant. Pour le Japon je fais 0-1 devant. Allô papa j'ai un pépin. Je suis entre Terrier et Amiens. Ouais, ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ah ok, il est sur la table, écoute. Écoute papa, il faut que je te dise. Oui je sais, j'ai pas pris ma carte grise. Bon, y'a des trucs plus importants. Putain, c'est bon, passe-moi maman. Quoi, j'ai jamais vu de maman. Mais tu me l'avais pas dit avant. Je croyais que tu me cachais ma mère. Parce que c'était. Et voilà Goldorak qui mord. Impossible de leur démarrer. Et ben oui Goldorak qui mord. Il te reste du câble à remorquer. C'est bon me traite pas de tête de mort. Je sais c'est cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator. Et il fait raquer l'enculé. Nous sommes en 2007 et sort l'album Pamplemousse Mécanique qui est publié par Warner et qui popularise encore davantage les Fatal Picard grâce à des titres comme Bernard Lavillier et Mon père est tellement de gauche. Ah c'était la belle vie avant quand t'étais aventurier. Quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerrière au pendant que tu faisais banquier, avant centré puis dresseur de chameaux. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie. Mais des fois quand vient le soir bah tu t'ennuies. Hey Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire. Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier. Ah, obstétricien, ah non tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles. Que t'avais filé des guerrieros que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec. Vu qu'elles étaient bien trop lourdes du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui sais raconter. Comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer un bras. Et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire. Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier. Ah peut-être pilote d'hélicoptère. Ah bah non tu l'as fait avant-hier. Ah là là une avalanche en Haute-Savoie. Et un barrage qui vient de craquer. Faut appeler Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Un volcan vient de se réveiller. Vite appelons Bernard il aura une idée. Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson. Et les gens seront pas malheureux quand leur maison elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue. Un alter dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran, le Kama Sutra, les livres de poche. Mais ça personne peut le prouver à part peut-être Bernard Lavillier. T'as déjà lu tous les bouquins, pour en lire un nouveau faut que t'en écrives un. Bernard Lavillier. T'as même écrit le tape sur des bambous. Mais tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore. Mais en moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua. Et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal. Et si un jour ils te mettent en tôle, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on se donnera la main. Et on fera une chaîne de l'amitié, ouais. Tout autour de la terre, Bernard Lavillier. T'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavilliers, t'es à moitié stéphanois et à moitié colombien, et à moitié espagnol et à moitié jamaïcain, et à moitié Shaolin et à moitié un chef indien. Bernard Lavilliers, et à moitié portoricain, ça on a failli l'oublier. Choisis pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La la la la la, la la la. En URSS l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La la la la la, la la. Fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre. La viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland. Le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'international. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La la la la la, la la. Mes copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La la la la la, la la la la la, la la. Comble du loufoque, ce sera quand les Fatal Picards se présenteront et seront finalement sélectionnés pour représenter la France à l'Eurovision avec un titre « L'amour à la française ». Certes, ils termineront avant-dernier, mais cela ne les empêchera pas d'écouler jusqu'à 50 000 exemplaires de cet album « Pamplemousse mécanique ». Voici l'amour à la française. I remember jolie demoiselle, sur la summer nous la tour Eiffel. I remember comme tu étais belle, so beautiful with your sac Chanel. Sur le pont de la Seine, let's do it again, again, again, again. You gave me a rendez-vous, what is it, what is it? Je le cherchais à toi, dans les rues. Je ne suis pas venu car tu ne l'es plus. Je le regarde partout, where are you? My heart is bleeding, oh I miss you. L'amour à la française, let's do it again, again, again, again. time you give me a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours à flos. L'amour, l'amour, l'amour, je suis perdu. Here we, but you and I'm crazy. Cela, Paris, je tout le manque. Sans toi, I can't sit sous la pluie. I feel sorry, Champs-Élysées. Alone, la nuit, le Moulin Rouge. I feel guilty. La pluie, I feel sorry. Je suis perdu here without you. And I'm crazy seul à Paris. I remember jolie demoiselle. Cela se meurt comme tu étais belle. I remember nous la tour Eiffel. So beautiful with your sac Chanel. L'amour à la française. C'est que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. I give you a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours à flos. L'amour, l'amour, l'amour, je suis perdu. Here we, that you and I'm crazy. Cela, Paris, je tout le manque. Sans toi, à guetter sous la pluie. I feel sorry, Champs-Élysées. Alone, la nuit, le Moulin Rouge. I feel guilty et le soleil est plus brûlant que les oiseaux. Et dans le ciel, la miss you so. Un souvenir, un rendez-vous. Des fleurs, des fleurs, des fleurs for you. Je te vois à pouvoir ressembler la recette de l'amour à la française selon les Fatal Picard. Et pour suivre, leur album live public sorti en 2008 atteste de cette popularité croissante. C'est malheureusement à cette époque qu'Yvan Caillaux, le membre fondateur du groupe, décide de passer autre chose et a quitté le groupe. Et depuis lors, la formation, les membres qui restent de cette formation, donnent à leur projet une tonalité rock et engagé, plus affirmé, mais le tout reste quand même dans l'ensemble assez humoristique. Voici pour illustrer et pour terminer cette séquence rock made in France, deux titres extraits de leur album sorti en 2011, Coming Out. Il s'agit de Noir et enfin de Retour à la Terre. 10h25 sur les ondes d'RQC, j'espère que vous êtes toujours avec plaisir à notre écoute. Jean-Marie à votre compagnie jusque midi. Chanson, toi le cupon qui sans façon est venu pour chasser son spleen. Mais à grands coups de Doc Martens, t'as laissé ta meute au vestiaire pour une place près du fût de bière et un pogo à la mémoire de tes années berruriers noirs. La crête un peu moins droite, les cités bien à gauche. Tu gardes ton doigt tendu bien haut pour un dernier palicao. Salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Banda, salut à toi punk anarchiste, salut à toi skin communiste. Elle est pour toi cette chanson-là, toi le rebelle devenu papa. Toi qui ne rêvais que de colocs et qui maintenant touche les allocs. T'as laissé ta veste à l'arrière de ta famille, y a le bleu de mer. Pour anti-slam en souvenir de toutes tes années noires désirs. Pour toi l'espoir s'est arrêté à Vilnius un jour de juillet. 10 ans après, salut pour moi, le pressé qui sommeille en toi. À se changer en roi, à hurler à la lune, à traquer la fortune, tout ça pour traîner sans poids. On risque de s'y plaire. cité, Ludwig van Pascal sont bouchés. Tous ceux qui n'oublieront jamais que le présent n'est plus ce qu'il était. On était jeunes, on était beaux, on sentait bon la contrairement. Ici la jeunesse ne dure pas, il nous reste toujours pas de chanca. Tu me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Ritana mía, por lo menos daré cuenta. Ritana mía, por favor, tú no me das ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Mi corazón. Aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière. Dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier oursin. Penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lémurien. La main dans la main avec le dernier pangolin. La main dans la main avec le dernier pourrien. C'était donc les Fatal Picard avec Retour à la Terre, titre qui clôturait notre séquence Le Rock Made in France. Certes, c'est une manière un peu humoristique de pasticher ce mouvement et ce courant qui tente à retourner aux valeurs de la terre. Et je vous invite tous, amis horticulteurs, à penser bientôt, à aller commander vos patates, sortir vos binettes et vos rasettes, car le printemps est proche. Et pour suivre, comme c'est le cas souvent dans notre émission Living in the Past, on passe d'une époque à une autre, d'un style à un autre. Et je vais maintenant peut-être vous narrer une histoire assez rocambolesque du groupe Aphrodite Childs. Et c'est un groupe qui, dans le courant des années 60, est emmené par Evangelos Papathanasiou d'Evangelis. Il est un peu le leader d'un groupe en Grèce qui connaît un certain succès et le groupe s'appelle les Formix. Vangelis est un musicien précoce et autodidacte qui est véritablement fasciné par les Beatles et son groupe connaît un succès populaire en Grèce, à tel point qu'il parvient même à décrocher un contrat avec une grosse maison de disques, avec pour mission, ni plus ni moins, de conquérir la Mecque du rock, c'est-à-dire Londres. Hélas, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Parti en éclaireur, Demis Roussos et Lucas Sideras, les deux autres membres du groupe, partis en éclaireur, sont refoulés à la frontière britannique. La douane a découvert dans leur bagage du matériel musical exporté sans autorisation. Et ils échouent donc à Paris, où, rejoints par Vangelis, ils se retrouvent cette fois bloqués par les grèves de mai 68. C'est vraiment pas de chance. Mais le groupe ne baisse pas les bras et, toujours sous contrat avec Phonogramme, décide de se lancer à Paris. Et grâce notamment à la belle voix de Demis Roussos, il va très vite triompher en France, mais aussi en Italie. Leur premier 45 tours enregistré s'intitule « Rain and Tears ». C'est un morceau dérivé d'un thème classique extrait du canon de Pachelbel. Boris Bergman y greffera des paroles en anglais et le jeu d'orgue de à la Procolarum de Vangelis, superposé à une partie de clavecin, feront merveille. Et ce morceau deviendra très vite un tube et les succès s'enchaîneront alors pour le groupe. J'ai retenu pour suivre Spring, Summer, Winter and Fall de 1970, It's Five O'Clock, ou encore I Want to Live, mais pour commencer, Rain and Tears, le succès qui les a lancés. C'est le moment de prendre votre partenaire dans les bras si elle est près de vous et d'entamer un petit pas de danse. Never to unwind. Spring. exactement 11h moins le quart. It's 5 o'clock and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. Yeah. bit from going, 'cause I want it to stay. Living in the Past. Le meilleur du classique. Voici dans un tout autre style Joe Perry dans son projet solo, The Joe Perry Project. Let the music do the talk. Oh, À dire, ça débouche les oreilles. The Joe Perry Project, Let the Music Do the Talking, sur l'album du même nom de 1980. Avec ce titre, nous venons d'entamer la troisième partie de notre émission Living in the Past. Celle-ci sera consacrée notamment au parcours solo de Joe Perry, le guitariste d'Aerosmith, qui, en parallèle avec sa carrière avec ce célèbre groupe, a aussi mené une petite expérience en solitaire. Et nous poursuivrons ensuite par l'évocation du parcours musical d'un chanteur très peu connu chez nous dans le domaine de la folk et de la country, David Brumberg, qui est une référence aux États-Unis dans ce domaine. Au cours de son parcours, il a côtoyé les plus grands, Bob Dylan, les Eagles, Linda Ronstadt, Emmylou Harris et Bonnie Raitt, par exemple, Dr. Jones aussi, si j'ai bonne mémoire. Mais ceci est une autre histoire. Revenons à Joe Perry. Et Joe Perry, en 1979, après l'apparition de l'album Nights in the Roots, Aerosmith est en perte de vitesse et notre Joe Perry est en froid avec le chanteur du groupe Steven Tyler. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. C'est le moment qu'il choisit pour lancer son propre groupe qu'il baptisera The Joe Perry Project. Il convainc la maison de disques Columbia de financer l'enregistrement et la sortie d'un premier album baptisé Let the Music Do Talking, qui sortira en 1980 et dont nous venons d'écouter la plage titulaire. Celle-ci, qu'on peut traduire par « laisser la parole à la musique », vise clairement les déclarations égocentriques de Steven Tyler, ce qui n'empêchera pas ce dernier de reprendre la chanson titre de cet album dans « Dawn with Mirrors », sorti en 1985, l'opus qui signera le retour de Perry au sein d'Aerosmith. Joe Perry. Et maintenant, avec un autre titre, South Station Blues, extrait de l'album de 1981, I've Got the Rock'n'Roll Again. Nous aussi, nous avons le rock'n'roll en nous. Got no place to run, got no place to hide. Sitting at the railway station, destination far behind, behind. Live my life for love, love that's hard to find. Summer givers, I'm a taker. Love can make you blind, make you blind. Living in the Past, c'est aussi l'émission des découvertes. Et aujourd'hui, donc, je vous propose pour commencer de parcourir sommairement l'itinéraire musical de Joe Perry en dehors de son appartenance au groupe Aerosmith. Pour commencer, nous étions en 1979 avec l'apparition de l'album... Nous étions en 1980 avec l'apparition de l'album « Let the Music Do Talking ». Qui était un bon album de rock bluesy, se situant en mi-chemin entre les Rolling Stones et Deep Purple. Malheureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous et Ralph Norman, un des membres du groupe avec qui il partageait les parties vocales, décida à l'issue de la sortie de cet album de quitter tout bonnement le navire et de retourner vers sa formation d'origine, Savoy Brown. Celui-ci sera remplacé par le chanteur et guitariste Charlie Farren, qui figure sur l'album suivant de 1981, I've Got the Rock and Rolls Again, fort d'un décapant South Station Blues que nous venons d'écouter. Un troisième album suivra, qui passera malheureusement quasi inaperçu en 1983, et c'est cet album, ce disque, qui sonnera le glas de Joe Perry Project, d'autant que Joe Perry se réconciliera entre-temps avec son ami de toujours, ami et ennemi, tantôt ami, Steven Tyler. Il reprendra sagement sa place au sein d'Aerosmith. Et il faudra attendre plus de 20 ans avant que Joe Perry ne soit à nouveau tenté par une expérience solo en parallèle à son implication dans le projet Aerosmith. Et il concrétisera son rêve avec la sortie en 2005 et en 2009 de deux albums publiés sous son seul nom. Je vous propose maintenant Shaking My Cage, la plage avec laquelle débute l'album éponyme de 2005. Once in a while you get a room with a view. I'm down for you, baby, and your heaviest touch. Can't be without you, cause you're much too much. You think you just turn the page. I gotta tell you, then you're shaking my cage. Shaking my cage, shaking my cage. Shaking my cage, shaking my cage, shaking my cage, shake, shake it, shaking my cage. Everybody feels like they got something to do, driving around the corner in someplace new. Oh, flows like a river cause it can't be slow. No room for heart, it gets a real fast flow. Just turning the page. I gotta tell you that you're shaking my cage. Shaking my cage. Shaking my cage. Shake, shake it. Shaking my cage. Shaking my cage. Shaking my cage. Shake, shake it. Shaking my cage. We'll be right back. après cette bonne dose de rock and roll à cheveux longs et tatouages. Retour maintenant au calme avec quelques petites annonces. Concert, j'ai pointé pour les mois à venir la venue d'Amy MacDonald à l'ancienne Belgique le 6 mars. Le retour des Scaps le 11 mars au Capital à Gand. La venue d'Arnaud le 26 mars au Centre culturel René Magritte près de chez nous à Lessines. Et toujours au même endroit le lendemain le 27 mars, Kenneth Heath, les rois du blues. Sting nous rendra visite le 2 mai à Forêt Nationale. Amy MacDonald toujours reviendra à la baie de Bruxelles cette fois le 6 avril. Gianna Nannini le 19 avril nous enchantera au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Quant à Hooverphonic, il sera successivement les 20 avril à l'Abbaye de Bruxelles, le 29 avril au Capitole à Gand, le 23 mai au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Et enfin, last but not least, Depeche Mode le 9 mai au Palais des Sports d'Anvers et Simple Minds les 12 et 13 mai au Kursaal d'Ostende. Nous reviendrons pour notre plus grand plaisir. Alors, place maintenant à l'évocation du parcours musical d'un chanteur trop méconnu par chez nous, chanteur, compositeur et interprète David Brumberg, qui s'est surtout spécialisé dans le monde, surtout connu dans le monde de la country et de la folk music. Alors, ce garçon, très tôt reconnu pour ses talents d'instrumentiste, est avant tout un virtuose de la guitare et de tous les instruments à cordes. Après avoir abandonné des études de musicologie, il a fait ses débuts de chanteur et guitariste dans les coffee houses de Greenwich Village au début des années 60. C'est alors la mode du folk. Et il est vite repéré pour ses talents d'instrumentiste et il est engagé pour diverses séances d'enregistrement avec des chanteurs de styles très variés comme par exemple Chubby Checker, eh oui, et Wilbert Harrison. Mais c'est le maître à chanter de l'époque, Bob Dylan, qui le remarque et qui l'engage pour jouer dans deux albums de 1970, Self-Portrait et l'excellent New Morning, avec des titres splendides que je vous propose maintenant. If Not For You, coécrit avec George Harrison, et Day of the Locust. Bob Dylan, If Not For You. For you, babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light shining through, but it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, winter would have no spring. I couldn't hear the robins sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. Oh, the benches were stained with tears and perspiration. The birdies were flying from tree to tree. There was little to say, there was no conversation. As I stepped to the stage to pick up my degree, and the locust sang off in the distance, yeah. The locust sang such a sweet melody. Oh, the locust sang off in the distance. Down the locust sang, and they were singing for me. I glanced into the chamber where the judges were talking. Darkness was everywhere, it smelled like a tomb. I was ready to leave, I was already walking, but the next time I looked, there was light in the room. And the locust sang, yeah, it gave me a chill. Oh, the locust sang such a sweet melody. Oh, the locust sang, played a high whining trill. Yeah, the locust sang, and he was singing for me. Outside of the gate, trucks were unloading. The weather was hot, nearly 90 degrees. The man standing next to me, his head was exploding. Well, I was praying the pieces wouldn't fall on me. Yeah, and the locust sang off in the distance. Yeah, the locust sang such a sweet melody. Oh, the locust sang off in the distance. Ah, the locust sang, and they were singing for me. I put down my robe, picked up my diploma, took a hold of my sweetheart, and away we did drive, straight for the hills, Black Hills of Dakota. Sure was glad to get out of that life. And the locust sang, oh, it gave me a chill. Yeah, the locust sang such a sweet melody. The locust sang with it a high whining trill. Singing for me, singing for me, whoa, singing for me. bien voilà, invité par le maître à chanter Bob Dylan, récent prix Nobel de littérature, notre ami David Bromberg est invité par, oui, par le maître de façon assez impromptue au festival de l'île de Wight, festival auquel Bob Dylan, dans un premier temps, avait refusé de participer. Et David Bromberg, il fit une prestation très remarquée et qui lui valut un contrat d'interprète avec Columbia. Et il enregistra 3 albums entre 1971 et 1974. L'album éponyme sorti en 1971 comprend notamment un titre coécrit avec George Harrison, décidément très présent dans notre émission ce matin. Il s'agit de Hold Up. Your hands, you must stand and deliver. My stomach's empty, my clothes are all torn. Open your hearts to the joys of the giver. Only your pockets are terribly worn. This is a hold up, no way to mistake it. We're men of violence, so don't fool around. If you have money, we're going to take it. You try and stop us, you'll end underground. We have your money, we'll ride towards the sunset. At Rosa's canteen, we'll stop at the door. We'll spend all your money, just getting the nose wet. Tomorrow evening, we'll be back for more. The money, don't stand there and shiver. Tax time is coming, give alms to the poor, or I'll put a bullet right through your best liver. Wealth is disease and I am the cure. Your money, we'll ride towards the sunset. At Rose's canteen, we'll stop at the door. We'll spend all your money, just getting the nose wet. Tomorrow evening, we'll be back for more. So hand us the money, don't stand there and shiver. Time is coming, give alms to the poor, or I'll put a bullet right through your best liver. Wealth is disease and I am the cure. I am the cure. I am the cure. I am the cure. Stick them up. Voilà, c'est un titre pas volé du tout, The Hold Up de David Bromberg, extrait de l'album de 1971, album éponyme. Et à la suite de cet opus, il y aura poursuivre deux autres albums, Demon in Disguise en 1972 et Wanted Dead or Alive, recherché mort ou vivant, en 1974. Et ces albums sont surtout constitués de reprises d'air traditionnel du répertoire folk, blues et country, comme ce medley of Irish fiddle tunes. David Bromberg. Admirez sa virtuosité. Thank you. Et voilà, David Brumberg, Medley of Irish Fiddle Tunes, extrait de l'album de 1972, Demon in Disguise. Et parmi les musiciens qui l'accompagnent dans cet album, on note la présence de José Garcia et Phil Lesh de Grateful Dead, qui, deux années auparavant, nous offrait ce superbe album American Beauty. Mais que c'est beau tout ça! Don't tell her. m'excuse, j'ai été induit en erreur. C'était bien Grateful Dead avec Sugar Ray, mais ce titre n'est pas extrait de l'album de 1970 American Beauty, comme je vous l'ai annoncé, mais bien de Europe 72, le volume 1, sorti la même en 1972, soit la même année que Demon in Disguise, cet album de David Brumberg, auquel ont participé activement deux membres de Grateful Dead, José Garcia et Philippe Lesch. Un quatrième album sortira en 1975, il s'agit de Midnight on the Water. Je vous l'ai dit en introduction, David Brumberg, tout au long de sa discrète carrière solo, côtoiera les plus grands. Et ce disque attribué au David Brumberg Band a été cette fois co-réalisé par Bernie Leadon. Qui est Bernie Leadon ? Eh bien, c'est un des membres des Eagles. J'ai choisi de vous faire écouter Yankees Revenge de cet album Midnight on the Water, et il sera suivi tout naturellement d'un titre des Eagles, One of These Nights, une de ces nuits, Yankees Revenge. Attention! Thank you. Après cette ambiance très country, très western, offerte par le David Bremberg Band et Yankees Revenge, Nous écoutions à l'instant les Eagles, One of These Nights, issu de l'album du même nom, pour célébrer la participation de Bernie Leadon à l'album Midnight on the Water de David Brumberg, sorti la même année. Et donc, comme indiqué précédemment, de grands noms de la country, du rock californien collaboreront à la réalisation de cet album, et des vedettes naissantes qui deviendront très vite des grands noms. À commencer par Linda Ronstadt. En 1974, la belle Linda s'entoure d'un nouvel agent, Peter Asher, ami des Beatles. Sous sa houlette, elle enregistrera l'album Hurt Like a Wheel. C'est ce disque qui lancera véritablement sa carrière grâce à un mixte de reprises de succès bien connus, à la fois de rock and roll, de soul des années 50-60 et de compositions originales. Cet album se classera numéro 1 avec notamment des reprises qui deviendront des hits comme You're No Good, un titre de Betty Everett popularisé 10 ans plus tôt par les Swinging Blue Jeans, et un autre des Everly Brothers, When Will I Be Loved, que je vous propose maintenant. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I learned my lesson and left a scar. Now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. Thank you. elle se rassure, la belle Linda, nous, on l'aime. Et poursuivre notre parcours en compagnie de David Brumberg et les albums qui ont jalonné sa carrière musicale. Revenons maintenant au deuxième artiste qui a participé activement à l'élaboration de cet album dont je ne me souviens plus du nom, Midnight on the Water. Voilà, Bonnie Raitt, tout le monde connaît la célèbre bluesman, mais en 1975, au moment de la sortie de Midnight on the Water, la chanteuse n'a pas encore acquis la notoriété qui sera la sienne plus tard. Jusque-là, elle n'a recueilli qu'un succès d'estime et elle n'a pas encore de grand hit à son actif, jusqu'à sa rencontre avec Paul Rothschild, qui prétend la propulser au sommet des ventes sans pour autant sacrifier sa personnalité forte et engagée. Elle n'y parviendra pourtant qu'en 1977 avec la sortie de l'album Sweet Forgiveness et la reprise énergique en simple de Runaway de Del Shannon. Bonnie Raitt, Runaway. As I Bonnie Raitt, Runaway, la troisième diva à avoir collaboré activement au succès de l'album Midnight on the Water de David Brumberg, c'est Emmylou Harris. Emmylou Harris apporte sa contribution au succès à l'époque où, sur le plan personnel, elle est toujours bouleversée par le décès de son compagnon Graham Pearson, survenu un an plus tôt. Malgré cela, son entourage l'avait alors poussée et convaincue finalement d'enregistrer un premier album solo. Avec ce disque, elle a connu le succès et celui-ci marquera le départ d'une longue et brillante carrière. De ce disque, je retiens notamment une reprise de Lovin' Brothers' If I Could Only Win Your Love et une composition personnelle d'Emmylou Harris elle-même, Boulder to Birmingham, en hommage à son compagnon Graham Pearson. If I could only win your love, I'd make the most of everything. I'd proudly wear your wedding ring. My heart would never stray, would dream away. If I could only win your love, I'd give my watched it burn. I would rock my the trucks as they move down out on 95 and pretend that it's the Après cet hommage touchant d'Emmylou Harris pour son compagnon décédé Graham Parsons et célébrer la présence de trois monuments de la musique américaine sur le disque Midnight on the Water. Poursuivons le périple et le parcours, à explorer le périple et le parcours musical de David Brumberg. Un parcours d'ailleurs assez singulier car après ce disque, il enregistrera certes encore quelques albums, mais en 1980, il décide de dissoudre son groupe et d'apprendre la lutherie de violon à Chicago et de se consacrer à temps plein à cette activité, chose qu'il fera d'ailleurs. En 2007 toutefois, il surprendra tout le monde avec la sortie d'un album solo et qui saluera son grand retour, Try Me One More Time. Plus récemment, en 2011, il sortira un album intitulé Use Me, auquel participeront d'ailleurs de nombreux invités, ce qui est un peu la marque de fabrique de David Brumberg, c'est de s'entourer d'énormément d'artistes qui lui sont proches. De David Brumberg, on peut dire que sa carrière de chanteur et de compositeur fut celle d'un amateur éclairé, jalonné de nombreuses rencontres et d'un grand éclectisme. Et sur ce dernier album, on retrouve Linda Ronstadt et Dr. John, mais aussi John Hiatt sur Ride on Outways. Et plus surprenant, Los Lobos dans The Long Goodbye. On est loin avec ce morceau de la pétillante bamba. Et c'est d'ailleurs sur ce long au revoir que nous allons nous quitter. Il est presque 12h10, nous avons quelque peu débordé de l'horaire prévu, mais je ne voudrais pas vous laisser sans vous avoir souhaité auparavant une bonne quinzaine à l'écoute d'RQC bien sûr. Je vous laisse en bonne main avec notre robot maison Hector et une programmation chanson française si je ne m'abuse. Pour ma part, je serai de retour comme d'habitude le lundi 20 février dès 9h. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bye bye! You know how it can be, baby. Somebody's been bluffing all their lives, all of a sudden feels compelled to tell you the truth. I never gave two thoughts about it, maybe. Now you can't shut them up. It's like your priests hearing their confessions of a misspent youth. And you'd like to tell them some damn thing, baby, but what in the world would be that thing to say? Things quiet down around here. It's you and I slip around, saddle up and ride on out of way. And you know how it can be, darling. Somebody's always showing up with a cake and candles on a day you'd just as soon let slip by. Admit it, you'd be hurt if they forgot about you, baby. But every year it gets a little harder thinking about where and how and when you're gonna have to say goodbye. And they just keep on coming down, baby. They just keep coming, cutting you a big old slice of this day. When things quiet down around here, it's you and I slip around, saddle up and ride on out of way. The last time he wrote, He sent her some money, 'cause he knew she was broke. And then came a letter with a medal inside. And you know it's a long goodbye. When I got home, there were lights on the tree. The kids were all up, they were waiting for me. And then I woke up with a tear and a sigh. You know it's a long goodbye. Spinning and spinning, the world like a top.